Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en ce jeudi matin notre étude de 2 Corinthiens. Notre bon Père du ciel, comme nous sommes privilégiés de vivre dans cette époque de l'histoire, que pour nous, ton peuple, aujourd'hui, on peut s'approcher de toi tout simplement en pensant en toi, en se tournant vers toi dans notre cœur. Peu importe où est-ce que nous sommes, peu importe dans quelle situation nous sommes, peu importe dans quelle sorte de maison nous vivons, peu importe dans quel pays nous vivons, peu importe sous quel régime politique nous vivons, chaque personne qui fait partie de ton peuple a le même privilège de s'approcher de toi, a le même Dieu devant lui, a le même privilège, a les mêmes droits, a le même accès, sans aucune exception. Nous sommes tous égaux. Et notre approche de toi est instantanée et continuelle. Quel privilège! Quel privilège! Nous t'en rendons gloire, Seigneur. Amen. Nous avons vu que Paul écrit aux chrétiens, aux saints de l'Achaïe. On a vu dans les deux premières vidéos ensuite la consolation, cette consolation qui vient dans la souffrance, qui suit la souffrance, qui est le résultat des souffrances en Christ. Il dit, vu que vous participez, que vous avez part aux souffrances de Christ, il dit, nous sommes convaincus que vous avez part aussi à la consolation. Si j'oublie les profits ou le privilège de participer aux souffrances de Christ, je vais avoir de la misère à me consoler dans cette consolation-là, ou à jouir de cette consolation-là. Dans les souffrances pour Christ, la consolation vient toujours. Frères et sœurs, ce n'est pas le privilège de certains chrétiens, ça. C'est une certaine élite dans la vie chrétienne. Tous ceux qui souffrent ou qui vivent ou qui acceptent ou toute personne dans lesquelles les souffrances de Christ abondent, la consolation vient automatiquement. Il n'y a pas de condition, là. On a vu hier, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et ce matin, Paul continue, puis il va dire un mot des fois qu'on est un peu réticent dans les chrétiens d'utiliser. Il dit au verset 12, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. » On est réticent à utiliser « ma gloire ». C'est ce qui fait notre gloire. Il y a certaines traductions qui disent « notre fierté ». Quand on parle dans le monde, avec quoi est-ce que les gens se glorifient? Ils se glorifient avec leur accomplissement, Certains se glorifient avec la retraite qu'ils ont accumulée. D'autres se glorifient avec l'apparence. D'autres se glorifient de ce qu'ils ont pu apprendre, le papier qu'ils ont obtenu. D'autres se glorifient dans l'accomplissement de leurs enfants. Qu'est-ce qui fait votre gloire? Et je crois que ça venait de ces gens dans l'Église qui disaient, qui voulaient utiliser la vie chrétienne, utiliser la prière pour obtenir ce que je viens de nommer. La prospérité et la santé. Il leur disait que si vous n'avez pas ça, si vous vivez dans la difficulté, dans la prison, dans la pauvreté, si vous perdez vos biens à cause de Christ, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Non, il dit pas, il dit non. Ce qui fait notre gloire à nous, là, ce qu'on parle avec eux autres, là, les autres, là, ce qui fait notre gloire à nous, le peuple de Dieu, les saints d'accueil, ce qui fait notre gloire à nous en comparaison avec la gloire des autres. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Ma conscience me donne la paix parce que j'ai eu une conduite dans le monde et surtout à votre égard, vous Corinthiens, ma conduite était avec sainteté. J'ai une conduite sainte et pure devant Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que Paul est en train de dire, ce qui fait ma gloire, c'est ma vie chrétienne. C'est la capacité que j'ai eue de mettre en pratique la parole de Dieu. Bon, par la grâce de Dieu, par la prière. Parce que j'ai lu, parce que j'étais allé à l'église souvent, donc j'ai ma conscience est en paix. J'ai eu une bonne conduite à votre gars. Vous ne pouvez pas rien me reprocher. Je suis un bon chrétien. C'est ça qui parle. Ça sonne faux, hein? C'est vrai que je vais parler d'une façon pour que ça sonne faux, là. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Il dit, non point, ma conduite dans le monde, elle était sainte et pure, parce que j'ai pas conduit ma vie, j'ai pas fait face au monde, et à la mort et à l'éternité. J'ai pas confronté le monde ou fait front au monde avec une sagesse charnelle ou une sagesse humaine. Mais j'ai confronté le monde, j'ai vécu dans le monde avec la grâce de Dieu. Ce qui fait ma gloire, ce qui fait que j'ai une conduite sainte et pure, c'est que je confronte le monde dans lequel je vis, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est ça qui nous met à part, frères et sœurs. C'est ça qui nous différencie des autres. C'est ça qui fait notre gloire. Les autres font face au monde dans lequel ils vivent, font face à la souffrance, aux souffrances, aux difficultés, aux bonnes journées. Ils font face à ça, ils analysent ça avec une sagesse charnelle. Et c'est ça qui rend leur conduite impure. C'est ça qui rend leur conduite non sainte. Le chrétien, lui, il fait face au monde dans lequel il vit, dans les situations belles ou moins belles, sous le soleil ou sous la pluie, dans l'ouragan ou dans la paix, dans la santé ou dans la maladie, dans la richesse ou dans la pauvreté. Il ne fait pas face à tout cela avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Paul, il dit, « Je me suis approché de vous, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Je me suis approché de vous et je vous ai offert Christ. Je vous ai offert les souffrances de Christ. Je vous ai dépeint, comme il dit ailleurs, un Christ crucifié. Afin que vous soyez vraiment consolés. D'une consolation qui vient de Dieu. Ça, c'est un chrétien qui a une conduite sage. Ça, c'est un chrétien qui a une conduite pure dans ce monde et dans l'Église. Il dit, ma conscience est tranquille. Parce que je vis dans ce monde sous la grâce de Dieu et je vous ai approché sous la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Il dit au verset 13, nous vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Et vous-même, vous le reconnaissez. Je l'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Il dit, ce que vous lisez, là, ce que je vous écris, là, c'est ce que je vis. C'est pas autre chose. Quand j'étais parmi vous, vous m'avez vu vivre. Si vous me regardez aujourd'hui, vous me gardez vivre. Ce que je vis, ce que je vous enseigne, c'est ce que je vis. Je n'ai pas deux vies. Ce n'est pas comme ce que je vous écrirais, je vous prêcherais quelque chose, je vous enseignerais quelque chose, puis je vis autre chose. C'est ça qui m'avait bouleversé. Quand j'étais plus jeune, j'avais été dans une école religieuse pour pensant que Dieu voulait m'avoir là. Et que j'ai vu ces gens qui nous enseignaient quelque chose, qui nous prêchaient quelque chose, mais dans leur vie, dans l'intimité, c'était toute une autre chose. Il n'y a rien qui fait plus de tort à l'Église, si je peux dire ça, qu'on présente l'Église comme un paradis sur terre, hein, presque, venez voir comment nous on s'aime, comment ça va bien, puis comment les gens sont honnêtes quand ils sont chrétiens, venez voir, il n'y a pas de problème dans l'Église. Nous, on est c'est vraiment le petit paradis sur la terre dans l'Église. Quand ils viennent, c'est pas ça qu'ils voient. Paul, il dit, ce que je vous ai enseignez ce que je vous ai écrit, ce que vous lisez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que je vis, c'est ce que je prêche, c'est comme ça que j'étais. Vous m'avez vu quand j'étais avec vous autres? Vous me voyez aujourd'hui dans ce que je vis? C'est pas différent. Je ne suis pas autre chose que ce que j'écris. Je vous ai approché avec la grâce de Dieu. Je vais prêcher la grâce de Dieu. Je vais annoncer la consolation qui vient de Dieu en Jésus-Christ. C'est encore ça que je vous écris et c'est comme ça que je vis. Il leur dit, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. La gloire, encore une fois. Ce qui fait ma gloire, c'est que j'ai une conscience pure. Ce qui fait ma gloire, c'est que j'ai une conduite pure. J'ai une conduite transparente. Je ne suis pas autre chose que ce que je prêche. Et je prêche ce que je vis. Et ce qui fait ma gloire, c'est vous. Et ce qui est votre gloire, c'est nous. Au jour du Seigneur, qu'est-ce qui va faire ma gloire au jour du Seigneur? Ma grosse pension, ma santé parfaite, mes enfants qui ont réussi dans la vie, mon physique. Je ne suis pas contre ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier notre retraite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qu'on peut pour avoir une bonne santé. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se réjouir si nos enfants ont du succès dans la vie. C'est pas ça que je parle. C'est pas ça que je parle. C'est pas ça qui fait notre gloire. C'est pas ça qui nous console. Mais il y a tellement de gens que j'ai vus faire profession de foi et qui cherchaient une consolation en dehors des souffrances de Christ. Ils sont tous repartis dans le monde chercher une autre source de consolation, puis une autre source de gloire. Ils sont partis finalement. Ils ont essayé pendant un certain temps d'utiliser la vie chrétienne pour obtenir la gloire de ce monde. Quand Jésus-Christ dit, moi, c'est pas ça. Au jour du Seigneur, ce qui va faire ma gloire, c'est vous. Et ce qui va faire votre gloire à vous, c'est moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu vas être ma gloire. Pour moi, si eux autres sont là, dans la présence de Christ, au jour du Seigneur, c'est parce que Paul leur a dit la vérité. Paul leur a enseigné les souffrances de Christ et la consolation qui vient de Dieu. Il dit, si vous êtes au jour du Seigneur devant Christ, c'est à cause que je vous ai prêché l'Évangile. Et si vous êtes là, c'est parce que je vous ai dit la vérité. Donc, nous sommes la gloire les uns des autres. Le vu qu'on arrive là ensemble, c'est parce que vous avez cru ce que je vous avais dit. Et ce que je vous avais dit était la vérité, parce qu'on se retrouve tout en même place devant la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, au jour où le Seigneur va venir nous chercher, jusqu'à la fin. Si je ne vous ai pas prêché la vérité, vous ne serez pas là, puis je ne serai pas là. Ce qui fait notre gloire, c'est différent. Je la sentais. C'est la grâce à Dieu. J'ai la capacité financière, c'est grâce à Dieu. S'il me l'enlève, c'est grâce à Dieu. S'il me la laisse, c'est grâce à Dieu. Si je passe par un temps difficile, c'est grâce à Dieu. Si je passe par un temps de prospérité, c'est grâce à Dieu. Je me réjouis dans l'abondance comme dans la disette. Je rends gloire à Dieu. C'est facile de rendre gloire à Dieu quand tout va bien. Vous savez ça comme moi, hein? Mais est-ce qu'on lui accorde la gloire que ça va bien? Est-ce qu'on reconnaît que c'est une grâce à cause de Christ qu'on est là? Il faut bien comprendre cela, n'est-ce pas? Ce qui fait notre gloire à nous, c'est différent des autres. Ce qui fait la gloire des saints, du peuple de Dieu, c'est autre chose. C'est leur conduite sainte et pure, parce qu'ils fonctionnent sous la grâce. C'est leur transparence, ils ne prêchent pas autre chose que ce qu'ils vivent. Ils vivent ce qu'ils prêchent. Ils se glorifient qu'au jour du Seigneur, ils vont être dans la présence de Dieu. C'est là ce qui fait notre gloire. Notre bon Père du ciel, ce qui fait notre gloire, c'est toi, c'est Christ, c'est sa consolation. C'est ce qu'un des prophètes de l'Ancien Testament a dit, que celui qui se glorifie en Dieu. On se glorifie de ce que tu as fait, de ce que tu es. On se glorifie de ce que tu nous as fait pour ta gloire. Parce que nous ne méritions rien. Nous sommes des sujets de ta miséricorde, de ta compassion, de ta grâce, de ta bonté. Et on va le reconnaître jusqu'à la fin et pour l'éternité.